Chapitre 4. Richard Thurstin, premier abbé mitré. Belcher, Saint-Louis, au Mont-Saint-Michel. Les abbés qui n'ont point d'histoire. Philippe le Bel et le grand incendie. Les fortifications sont commencées. Jean de la Porte, son influence extraordinaire. La fièvre d'orage, les pastoureaux. Le vœu national au XIVe siècle. 1. En l'année 1236, où la crosse de Saint-Michel tomba aux mains de Richard Thurstin, après la mort de Raoul de Villedieu, Saint-Louis, qui régnait déjà depuis 10 ans sous l'aile de Blanche de Castille, sa mère, devint majeur et prit le gouvernement de la France. 2 générations avaient donc passé depuis la fête du baptême royal, où Robert de Torigny avait tenu sur les fonts cette fille d'Henri II, qui eut l'honneur de mettre au monde la noble mère de Louis IX. Richard fut un abbé de mœurs régulières, mais ami du faste et peu soucieux de l'observance. Il avait un chapelain, et ce chapelain faisait des vers. On le voit courir après le droit de porter la mitre. Dès qu'il en a une sur la tête, toute éblouissante de perles, il va, dans les villes et dans les châteaux, jouant au pontife, si bien que les évêques se plaignent et que Rome est obligée de remettre à sa place ce glorieux qui semble être un peu personnage de comédie. Richard Thurstin accomplit néanmoins une très belle œuvre. Quand le visiteur du Mont-Saint-Michel a gravi le raide escalier qui monte entre les tours jumelles du Châtelet, il se trouve en présence d'une porte massive, encastrée dans un porche, aux gracieuses moulures, surmontée de 3 niches vides. C'est belle chair ou belle chaise, Bélan Cadra, l'entrée du Mont-Saint-Michel au XIIIe siècle. Belle chair comme la merveille, à 3 étages. Dans la salle haute nommée salle du gouvernement, vivaient les officiers de la garnison, au-dessous les simples soldats. Dans la pièce inférieure veillaient les gardes et les portiers. Voici un extrait de l'horaire ou ordre de service de ce temps. Le chantre dira au chapitre les frères qui seront de garde pendant la nuit pour faire le tour du monastère et des murailles. Il y en aura 2 avec 2 des clercs de l'église, savoir un frère et un clerc, jusqu'à la 12e heure. Un autre frère et un autre clerc jusqu'au matin. Personne ne sera exempté du service, si ce n'est l'abbé, le prieur, le capitaine, et ceux qui le lendemain diront les 4 messes conventuelles et celles de la Vierge Marie. C'est à l'extérieur surtout que Belcher offre de grandes beautés. Les fenêtres supérieures rappellent les croisées à nid d'abeilles du réfectoire de Messieurs les Anciens. 8 arcades à colonnettes avec chapiteaux tréflés ornent le mur du sud, qu'on aperçoit très bien dans la grande rue de la ville. Les fastueuses faiblesses de Richard Thurstin lui avaient aliéné son troupeau qui fut injuste à son égard et l'empêcha de continuer ses travaux d'architecture. On voit encore les amorces de ses projets qui étaient aussi utiles que grands, entre autres celles du chapitre et du palais abbatial. Comme administrateur temporel, Richard fit en somme de son mieux, il n'en fut pas toujours de même au spirituel. Peu de temps après son élection, il avait reçu du souverain pontife Grégoire IX des statutans destinés à renouveler la discipline. Ni supérieur ni moine n'en voulurent. Nous sommes déjà loin des grands jours, mais ils reviendront. En l'année 1250, se présenta à la porte du monastère l'archevêque de Rouen, Eudes Rigaud, prélat à la vertu antique. Le registre de ses visites pastorales a été conservé heureusement et publié. Une querelle avait éclaté entre Richard et ses moines. Le prélat ne put les mettre d'accord. Un manuscrit nous a conservé les constitutions données en ce temps à l'abbaye par Guillaume de La Haye et Jean de Saint-Léonard, religieux appartenant à ces 2 ordres naissants, mais déjà si illustres, les franciscains et les dominicains, qui furent pris pour arbitres sous l'autorité du Saint-Siège et firent défense aux moines de boire dans des verres aux pieds cerclés d'argent ou d'or, de porter à la ceinture couteaux à manches richement ciselés, de sortir sur chevaux caparaçonnés avec des selles couvertes d'arabesques précieuses et d'avoir au poing des oiseaux de haut vol. C'est avec ces faits, malheureusement vrais, mais toujours isolés et surtout transitoires, que la calomnie a écrit l'histoire des moines. Richard Thurstin et ses religieux réconciliés souscrivirent aux constitutions et en exécutèrent les commandements de bonne foi à partir de l'accord conclu, le lundi après la fête de Saint-Luc de l'an du Seigneur 1258. À cette époque eut lieu le premier pèlerinage de Louis IX au Mont-Saint-Michel. Le roi revenait de la croisade et se croyait coupable parce qu'il avait été malheureux. Il voulut mettre la pénitence des crimes qu'il n'avait pas commis sous la protection de Saint-Michel, envers qui sa mère, filleule d'un gardien, du bouclier et de l'épée, lui avait inspiré une profonde dévotion. Ce roi qui portait en son âme un pur idéal de paix, de justice et de charité, cet esprit si haut, ce cœur si près de Dieu, devait pressentir mieux et plus tôt que tous les autres le dessein de Dieu sur la France. De ceci peut-être faut-il voir une preuve dans la destination que Saint-Louis donna à son aumône quand il vint s'agenouiller au sanctuaire du Mont. Il était bien pauvre et pourtant il déposa une somme d'argent au pied de l'autel pour les fortifications de la place. Nous allons arriver si vite désormais au moment où la France aura besoin de Saint-Michel comme bouclier et comme épée, que ce soin de fortifier en pleine paix européenne la maison de l'archange paraîtra providentiel. Lors du second pèlerinage de Saint-Louis sous le successeur de Richard Turstin, Nicolas Alexandre, on avait acheté déjà des pierres de taille avec l'aumône royale, car l'enceinte crénelée qui couvre la merveille au nord et la tour Morillon offre tous les caractères de cette époque. On était en 1264. La splendeur de ce règne traversé par de si dures épreuves était à son apogée. Les lettres et les arts, développés comme par enchantement, fleurissaient la couronne que le saint roi eût voulu être d'épines. Il est bon de remarquer, après Michelet, que ce dévot, affolé d'amour pour le cœur de Jésus, ce pieux enfant, tout éperdu de divine tendresse, fit fleurir en notre terre de France la richesse des moissons de l'esprit avec une abondance jusqu'à lui inconnue. Il eut Villehardouin, un des pères de notre belle langue, Joinville, qui en avait deviné la finesse et le génie, Guillaume de Loris, l'épique troubadour. Il eut surtout les moines mendiants, si grands dans leur guerre sainte contre l'université, à peine nés et déjà païennes. Depuis Abélard et Saint-Bernard, dit M. Henri Martin, on n'avait rien vu de comparable au mouvement intellectuel qui jaillit de ces ardents foyers. Deux hommes de génie, le dominicain Thomas d'Aquin et le franciscain Bonaventure, semblèrent se partager les deux grands éléments de l'âme humaine, le sentiment et l'intelligence. Quant à Saint-Louis lui-même, l'historien libre-penseur ajoute, après avoir cité quelques chères bonnes lignes de Joinville, il fut, dans sa vie publique, le roi juste de l'Écriture, dans sa vie privée, le chevalier ascète, le héros chrétien, tel que l'avaient rêvé les romanciers du Saint Graal. Peu après avoir quitté le Mont-Saint-Michel, où il laissa des marques de sa munificence, Saint-Louis partit pour le voyage, d'où il ne devait pas revenir. Dans sa première croisade, il avait failli périr sur les plages de l'Égypte. Dans la seconde, il trouva la mort près des ruines de Carthage. Au dernier moment, il appela ses enfants et dit à sa fille en la baisant, « Chère fille, la mesure par laquelle nous devons Dieu aimer, c'est aimez-le sans mesure. » Puis il se tourna vers Philippe, héritier de la couronne de France, et lui dit, « Beau fils, aie le cœur doux aux pauvres, garde-toi de trop grandes convoitises et ne boude pas trop grand taille sur ton peuple, si ce n'est pas nécessité pour ton royaume défendre. Garde-toi d'émouvoir guerre contre homme chrétien, sans grand conseil et nécessité. Et te supplie, mon enfant, que tu aies de moi souvenance, ainsi que de ma pauvre âme. Et je te donne toute bénédiction que jamais père puisse donner à son enfant. » Voilà de belles et touchantes paroles, ajoute Michelet. Il est difficile de les lire sans être ému. Louis XVI aussi, mourant au milieu de douleurs bien plus profondes, prononça des paroles touchantes et belles en se séparant de sa famille qui restait en proie au bourreau. Il lui fut dit, « Fils de Saint-Louis, montez au ciel !» La France a souvent et cruellement tenté Dieu. Le plateau de la balance où sont nos crimes est lourd jusqu'à épouvanter l'espérance même. Mais le credo proclame la communion des saints parmi ces articles qui sont la base certaine de la foi catholique. et Saint-Michel, notre défenseur, qui tient justement la balance des âmes, a pu placer dans l'autre plateau, dans celui où est la réparation, un riche trésor de suffrages, nous vivons encore du martyre de nos saints rois, quoique d'autres rois aient écrasé le trône sous la pesanteur de leur indignité. 2. La dernière parole de Louis IX fut sans doute le nom de Saint-Michel, car le nom de Saint-Michel fut la première parole de son fils prenant la couronne royale. Philippe le Hardi promit un pèlerinage à Saint-Michel s'il échappait à la peste. Il y échappa et accomplit son vœu en 1271, c'est-à-dire presque aussitôt après son retour quasi miraculeux. Et le bon abbé régnant, Nicolas Alexandre, qui n'a point d'histoire, dit un manuscrit, sembla choisir ce moment pour rendre l'âme. La Providence illustre ainsi parfois, par de grandes dates, la vie des très humbles. Nicolas Alexandre avait eu Saint-Louis à sa naissance comme abbé. Il eut le fils de Saint-Louis à ses funérailles. Sa prélature fut une ère de piété pour l'abbaye. Son successeur, Nicolas Fanegaud, et non Famigaud, comme beaucoup l'écrivent, continua ce saint temps où les moines de Saint-Michel semblent n'avoir eu d'autre œuvre que le Laus Perennis, le cantique perpétuel qui est leur vrai travail d'ordre, puisqu'ils prient ainsi pour le monde qui ne prie pas, et labourent dans leur solitude féconde le chant d'expiation et de bénédiction. Ranulf de Bourget, successeur de Fanegaud, eut lui-même pour héritier élu Jean Le Fay. Ces trois abbés, qui régnèrent de 1271 à 1298, n'ont pas plus d'histoire que Nicolas Alexandre. Ils furent pieux et firent prospérer la piété. C'est tout ce que Saint-Michel demande à ses serviteurs. Il garde pour lui-même l'histoire, celle qui apparaît aux yeux des hommes et celle qui se poursuit en dehors de la portée de nos regards, dans le secret de Dieu. D'ailleurs, chaque jour nous rapproche de plus en plus du moment où l'histoire du sanctuaire de l'Archange devient l'histoire même de la France. Sous Guillaume du Château, élu en 1299, eut lieu le cinquième grand incendie, et peut-être le plus considérable si l'on s'en rapporte à Don le Roi qui dit « L'an 1300, le 13e jour de juillet, le foudre tomba du ciel sur le clocher de l'église de ce mont et le ruina entièrement. Toutes les cloches furent fondues et le métal découla de part et d'autre. Les toits de l'église, du dortoir et de plusieurs autres logis furent brûlés. Les tisons ardents tombant dans la ville réduisirent pareillement en grande partie des maisons en cendres. Don de Caen, déplorant cette nouvelle victoire de l'enfer, ajoute avec quelque découragement: il sembloit qu'on ne devoie plus penser à rebâtir si magnifiquement le monastère, et que c'est toi un signe manifeste que Dieu n'agréoie pas ces superbes édifices. Mais Guillaume pensa tout autrement. Véritable serviteur de Saint-Michel, il comprit que son premier devoir était de ne point laisser à terre les murs de la maison angélique, et recommença vaillamment l'œuvre de ses devanciers. Il y a une touchante grandeur dans ce travail de Pénélope, continué avec une si étonnante patience, qui nous a conservé en définitive le plus beau monument de l'art catholique. Guillaume eut une aide puissante, et on peut le dire inespérée, eu égard au caractère avide et avare du roi régnant. Philippe le Bel, qui souffleta le pape Boniface VIII sur la joue de son légat Colonna, Philippe le Bel, qui mania la richesse nationale avec si peu d'honnêteté que le nom de faux-monnayeur lui est resté dans un coin de l'histoire, fut affecté profondément par le désastre du sanctuaire de la France. C'est ici comme une répétition de l'émoi inattendu ressenti par Philippe Auguste dans une conjoncture pareille, et l'on peut dire qu'à dater de la victoire de Bouvines, il y eut au Louvre un vent prophétique, puisque nos rois, ceux-là même qui regimbaient sous la juste main de l'Église, semblaient comprendre qu'un intérêt supérieur rattachait leur couronne au diadème de Saint-Michel. Ce vent venait de la montagne angélique et parlait du dessein de Dieu. En 1311, dit Thomas le Roi, Philippe le Bel vint ici. Il fit une offrande sur l'autel du Saint-Archange de 1200 ducats d'or. Des manuscrits du Mont, aujourd'hui perdus, racontait qu'avec une partie de cette offrande vraiment royale, les religieux firent faire une statue de Saint-Michel en bois lamé d'or ducat, mais elle servit encore à autre chose. Guillaume du Château, saint religieux, entendait comme Philippe le Bel, et plus clairement que lui peut-être, les menaces, les promesses qui étaient dans l'air. Il ne se borna pas, en effet, à refaire les logis de l'abbaye détruit par le feu. M. E. Corroyer lui attribue une partie des remparts vers le sud, travail tout nouveau, et qu'il activa avec un grand zèle, comme si la terrible guerre de Cent Ans lui eût été annoncée avant tous autres au fond de sa paisible retraite. Le monastère n'en jouissait pas moins d'une tranquillité complète. On en pourra juger par ce fait que la porte de la place n'avait qu'un seul gardien, Pierre de Touffou, qui recevait par jour deux pains et une carte de vin de Brion. À la fin de l'année, il touchait 25 sols en monnaie courante. Cette tranquillité continua sous Jean de la Porte, qui succéda à Guillaume en 1314, et dont la prélature eut de l'importance à tous les points de vue. Le procès-verbal, encore inédit, de son élection, fera revivre pour le lecteur les usages de ces temps. Nous en traduisons les principaux passages. L'an du Seigneur, 1314. Le lundi qui suivait la fête de Saint-Luc, les moines se réunirent en chapitre, et il fut décidé que la voie du compromis serait adoptée. Deux religieux désignés en choisirent donc à leur tour 5 autres, et ces 7 devaient désigner le plus convenable d'entre eux ou des autres. 2 chandelles avaient été allumées, dont l'une fut portée au réfectoire par les 7, tandis que l'autre restait au chapitre avec le convent. Alors on invoqua les lumières de l'Esprit-Saint. Bientôt Jean de la Porte, prieur du défunt abbé, fut engagé à se retirer. C'était lui que, d'un accord unanime, on voulait nommer pasteur. Jusqu'ici, du Xe au XIVe siècle, nous avons 3 figures d'abbés sortant au-dessus du commun niveau. Saint-Michel ne les prodigue pas. C'est Hildebert, l'abbé des ducs franco-normands, un créateur, il sème. C'est Robert de Torigny, l'abbé des rois normands anglais, un diplomate, il conserve. C'est Jourdain le calomnier, l'abbé des rois de France, un acheveur. Il a trouvé le sauvageon de granit tout venu, il le greffe et le fait fleurir. La 4e figure, Jean de la Porte, est plus difficile à caractériser parce qu'elle vaut surtout par la gravité même de sa fonction, qui sied exactement à la piété de sa vie. Sa vertu propre, c'est qu'il ne fut l'homme d'aucun duc ni d'aucun roi, mais l'homme de Saint-Michel même, et l'énorme crédit que le XIVe siècle lui accorda vient de là. Aussi passerons-nous rapidement sur son administration très habile qui ressuscita les prieurés micheliens d'outre-Manche. Ce qu'il nous est intéressant de dire, c'est que Jean de la Porte, sans écrire aucun livre retentissant, sans se mêler à aucune négociation publique, sans ajouter rien de notable aux constructions, sans sortir en un mot de sa très pieuse cellule, attira d'une façon extraordinaire l'attention des têtes couronnées qui voulurent avoir près de lui des avocats permanents, presque des ambassadeurs. Les rois anglais, les rois et les reines de France luttaient envers lui de caresses. Il flairait l'odeur du grand péril qui approchait et il se disputait l'épée de Saint-Michel. C'est Louis X le Hutin qui comble de bienfaits le monastère, 1315. C'est Édouard III, plus adroit, qui donne aussi, mais qui introduit au mont un de ses propres clercs. C'est, en 1318, la reine Jeanne, femme de Philippe le Long, qui suit ce bon exemple et supplie qu'on admette comme religieux son serviteur Guillemin de Gauvèze. Et comme on lui accorde sa demande, la reine se rend au mont pour témoigner sa reconnaissance et laisse sur l'autel à son départ 8 draps d'or de Turquie. Il n'y eut pas jusqu'au duc de Bretagne qui, trop petit pour avoir un prophète, ne demanda un humble coin pour un novice. Chacun voulait avoir une voix le plus près possible de l'oreille de l'archange. Toute créature vivante cherche un abri aux approches de la tempête. C'était l'approche de la guerre de Cent Ans. 3. Il est impossible ici de ne pas toucher autrement qu'en passant à ce débordement de pèlerinage que toutes les provinces de la France déversèrent sur nos grèves pendant la prélature de Jean de la Porte. À aucune époque, rien de comparable ne s'était produit. il y eut des famines sur les côtes normandes et bretonnes où ces nuées de vivantes inquiétudes, d'aspirations et de ferveurs se renouvelaient incessamment. C'était bien la fièvre de la guerre imminente, et les peuples venaient à l'épée de Dieu comme les rois, mais c'était aussi la fièvre du renouveau, parce qu'une saison de l'histoire avait pris fin et qu'une autre commençait. Michelet, que Dieu a tant appelé, a dit de Saint-Louis que le Moyen-Âge, ayant donné en lui sa fleur et son fruit, avec lui le Moyen-Âge devait mourir. En Philippe le Bel, ajoute-t-il, commencent les temps modernes. C'est la vérité même, mais la routine continue de pousser le Moyen-Âge jusqu'à la fin de la guerre de Cent Ans pour prêter quelque apparence à cet ambitieux nom de Renaissance dont on a affublé la saison du doute philosophique, de l'étouffement des originalités nationales et du retour à l'imitation servile de l'Antiquité. Selon ce calcul entêté, Jeanne d'Arc vint en hiver à l'agonie de l'année, et volontiers la libre pensée montre-t-elle ce titubant apostat, Luther, comme la plus belle fleur de son printemps prolongé. Le XIVe siècle apparaît avec tous les caractères douloureux de la naissance. Il souffrait, mais il croyait, ce qui est la jeunesse, et il levait les yeux vers la montagne d'où vient le secours. Une dévotion immense pressait le sanctuaire de Saint-Michel, et la France surtout, qui était le peuple de Dieu, et qui se sentait sous la garde de l'archange, tendait vers son autel des millions de bras en le suppliant de ne point sommeiller ni dormir. On ne sait comment qualifier les essais de comparaison ou même de confusion que les écrivains du scepticisme ont essayé d'établir entre la paisible multitude des pèlerins montois et la cohue sanglante des pastoureaux. S'il y a une ressemblance, c'est celle que saint Augustin prête à l'enfer vis-à-vis du ciel quand il nomme Satan Simius Dei, le singe de Dieu. Et Victor Hugo, qualifiant avec tant de juste indignation Voltaire, ce singe de génie, avait bien lu saint Augustin. Le singe de Dieu et ceux qui le servent savent malheureusement depuis le premier jour que l'homme est friand de mensonges autant qu'il répugne à la vérité. Il n'y a aucune espèce de rapport entre les pèlerins, soit enfants, soit adultes, du Mont-Saint-Michel et les premiers pastoureaux sur lesquels M. Henri Martin a écrit une page d'allure assez romanesque que j'analyse, ne pouvant la citer en entier. Cet historien, peu suspect de partialité en faveur du catholicisme, nous montre un vieil homme dont le but est resté un mystère, errant dans les campagnes où il prêche sans l'autorisation du pape ni le patronage d'aucun prélat. Que prêche-t-il ? Une prétendue mission qu'il a reçue directement de la Vierge pour rassembler les pasteurs de brebis et délivrer avec leur aide la Terre Sainte, ce que n'a pu faire le roi Louis. Ce vieil homme n'ouvrait jamais sa main droite, dans laquelle, selon son affirmation, était un vélin contenant les instructions autographes de la Sainte Vierge. Il s'appelait lui-même le Maître. Les gens de la campagne, séduits par le mystère qui l'entourait, le suivirent au nombre de plus de 100 000 et commirent bientôt, comme toute multitude qui n'a ni pain, d'épouvantables atrocités. Leur principal étendard portait l'agneau. Sur d'autres était figurée l'apparition de la Vierge au Maître, qui fit de l'eau bénite à Paris avant d'y tuer tous les clercs. Un clérical d'étrange espèce. Enfin, à Bourges, on aposta parmi le peuple un bourreau qui frappa de sa hache la tête du maître et lui fit sauter la cervelle, ce qui fut la fin. Où est dans tout cela Saint-Michel ? M. Henri Martin ne l'y voit certes pas. Il dit au contraire que cet homme venu de Hongrie était peut-être un chef de manichéens, un bulgare, qui avait tenté de venger ses frères et sa religion en soulevant le peuple contre le clergé catholique. Mathieu Paris, au XVIIe siècle, avait cherché un rapprochement entre nos jeunes pèlerins du Mont et ces armées d'enfants qui périrent sous Philippe Auguste en marchant à la délivrance du Saint-Tombeau. En 1213, dit-il, un enfant suscité par l'ennemi du genre humain se donna pour envoyé du Seigneur. Il raconte les malheurs de la dérisoire croisade, mais qu'y a-t-il de commun entre ce rêve impossible et les heureux voyages des petits qui arrivèrent sains et saufs dans la basilique pour forcer l'intervention de l'archange. C'était une éloquence irrésistible, assurément, et c'était une chose de ferveur suprême que la France chrétienne, envoyant à la grandeur non seulement ses hommes robustes et ses femmes dans la force de l'âge, mais encore ses infirmes, ses pauvres, ses vieillards, et jusqu'à ses paroulis, implorait la ressource d'en haut. Voici comment parle à ce sujet Donvine, qui prononce aussi le nom de Pastoureau. Une innombrable multitude de petits-enfants vinrent en cette église de divers pays lointains. Plusieurs assurent roi qu'ils avaient entendu des voix célestes disant « Va au mont Saint-Michel ». Un prêtre, voyant tous ses paroissiens esprits de ce désir si subi, tâcha de les faire attendre quelque peu, mais perdant sa peine, il s'achemina vers son logis où il n'estoit encore arrivé qu'il rebroussa chemin et vint visiter cette église avec eux. Ainsi firent tous ceux qui essayèrent d'endiguer la violence de ce flux dont aucune autre manifestation humaine ne saurait donner une idée. Ne pouvant arrêter le courant, ils le suivirent. L'année 1333 fut la plus féconde en pèlerinages et en miracles, et la date en resta si célèbre qu'on la consacra au moyen de ces rimes qui ont gardé aux enfants pèlerins leur innocent nom de Pastoureau. Une M seule, comme semble, 3C, 3X, 3I, ensemble, le temps que ces pastoureaux vindrent au mont Saint-Michiel nous apprendre en l'an 1333 de pastoureaux grande abondance en Saint-Michiel à voix fiance. Un de ces manuscrits que nous avons cités, après le détail donné de très grandes et nombreuses grâces, laisse voir que son auteur n'ignorait ni les motifs ni la signification de ces immenses mouvements populaires. C'était, dit-il, le vœu de la France. En effet, les puissants étaient venus, ils n'avaient point suffi. Les petits, à leur tour, se précipitaient, offrant la réparation inestimable qui, selon le psalmiste, monte de la bouche des enfants à la mamelle. Jean de la Porte disait de lui-même qu'il n'était rien sinon un reflet, mais ce reflet valait une gloire. À sa mort arrivée le 14 avril 1335, des honneurs exceptionnels lui furent rendus et son mausolée, le plus beau de ceux qu'on ait trouvé au mont, fut élevé dans la chapelle de Saint-Jean l'Évangéliste. Son écusson abbatial, singulièrement expressif, d'azur à l'agneau d'argent tenant un labarume de gueule à la croix d'argent, brillait aux vitraux comme il pendait aux voûtes. Les petits pastoureaux de l'agneau ne savaient pas ce que c'était que le labarum, cette oriflamme dont la France allait avoir un si grand besoin. Mais ils venaient la chercher de confiance, et Jean de la Porte mourait grand, rien que pour avoir été l'hôte de ses dévotions providentielles et le gardien du sanctuaire qui était véritablement en ses jours la basilique de notre vœu national.